Que tu sois de la cité rejetée ou d'une banlieue huppée, méprisée, c'est un ami fidèle. Il est plus qu'un pote pour moi. Il me connaît mieux que personne. Il me montre la vraie voie. Il prend soin de mon futur. Il me rassure. Il comble les vides de ma vie. C'est mon ami. Je t'en remercie. Merci. Merci.